الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قال ربنا عز وجل في كتاب الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فكان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في جهل عظيم وضلال مبين وظلم كبير أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا أرسله على رأس 40 سنة وهو في مكة المكرمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ليخرج الناس من الظلمات إلى النور فأخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد رب العالمين ومن الموت إلى الحياة قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها ويقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم عباد الله هذا الرجل الكريم والرسول الأمين أرسله الله إلى كافة الناس فهو أفضل عباد الله وأحبهم إليه سبحانه وتعالى ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي فهو أفضل الناس نسبا عليه الصلاة والسلام وأشرف الناس تعبدا لله عز وجل كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه وهو أشرف الناس خلقا زكاه الله في كتاب العزيز فقال وإنك على خلق عظيم وهو القائل صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فكان خير الناس بركة وخير صديق يتفقد أحوال أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم يعينهم وينصحهم وخير والد يهتم بأسرته ويربيهم وخير زوج يسابق عائشة رضي الله عنها وقد تجاوز 40 صلى الله عليه وسلم يمازح السبيان ويرحمهم عليه الصلاة والسلام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد فركب عليه صبي فأطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود فقال الناس إنك سجدت بين ظهرني الصلاة أو إنك سجدت بين ظهرني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث شيء أو أنه يوحى إليك فقال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته أخرجه النسائي من حديث شداد بن الهاد وصححه الألباني رحمه الله. ومع كل ذلك إخواني لم يخرج عن كونه بشرا يأكل ويشرب يمرض ويحزن عليه الصلاة والسلام. لما مات ولده إبراهيم حزن وبكى فسئل عن ذلك فقال إن العين تدمع وإن القلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. رواه البخاري من حديث أنس. وجرح يوم أحد وسال دمه وكسرت رباعية عليه الصلاة والسلام. ومع كل ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا سيد البشر ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ويموت كما يموت البشر. قال ربنا تبارك وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مات كما مات البشر. وأول حديث يتعلق بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل في سنة السابعة بعد فتح خيبر، وكان فيها يهود. أهدت امرأة منهم طعاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مشوية. سألت الناس قبل ذلك: ماذا يفضل محمد صلى الله عليه وسلم من الشاة؟ فقيل لها: الذراع. فأكثرت السم في الذراع. فلما حضر الطعام تقدم هو والصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فلاك قطعة منه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: أمسكوا فإنها مسمومة، أمسكوا فإنها مسمومة. ثم قال لها: ما حملك على ما صنعت؟ فقالت: أحببت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك علي، وإن لم تكن نبيا أرحت الناس أو أريح الناس منك. روى أحمد وحسنه الألباني وأصله في الصحيحين وفي رواية عند أبي داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني، أي اللحم أخبرتني أنها مسمومة. ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت من ذلك في الحال، ولم يمرض لإظهار المعجزة على صدق نبوته وكلامه عليه الصلاة والسلام، وأيضا حتى يتمم الله سبحانه وتعالى دينه للعباد. ولكن في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ظهر أثر السم حتى يعلم الناس أنه بشر وأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى، شرف بالرسالة. فلا يعبد مع الله سبحانه وتعالى أحدا ولو كان نبيا مرسلا. وفي السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وبدأ يشعر الناس بدنو أجله. قال: خذوا عني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. أخرجه النسائي من حديث جابر وصححه الألباني رحمهم الله. وفي يوم عرفة وكان يوم جمعة أنزل الله سبحانه وتعالى آية عظيمة في يوم عرفة في حجة الوداع، وكان يوم جمعة أنزل الله رب العالمين آية عظيمة، قال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففرح المسلمون أجمعون. وفي يوم النحر ضحى النبي صلى الله عليه وسلم 63 أضحية، وترك الباقي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكل ذلك يا عباد الله من علامات قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أنزلت سورة النصر، وهكذا أنزلت سورة النصر: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فعند ذلك فرح المسلمون وبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقيل لماذا البكاء؟ فإنها بشارة من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا بكر أدرك بأن هذه سورة إخبار لدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فسرها ابن عباس رضي الله عنه في خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعد الحج رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبعد أشهر أرسل معاذا ابن جبل رضي الله عنه إلى اليمن داعيا إلى الله وتوحيده، رافعا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فركب معاذا الدابة ومشى النبي صلى الله عليه وسلم معه يوصيه. فلما فرغ قال: يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا. يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي أو بقبري، أو لعلك أن تمر بمسجدي أو قبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم التفت وأقبل بوجهه، أي النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بوجهه نحو المدينة، فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا حيث كانوا. رواه أحمد وصححه الأرناؤوط رحمهم الله. وفي السنة التي بعدها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، فصلى على الشهداء كالمودع للأحياء والأموات، وقال: إني فرة لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن الحديد. وخرج أيضا إلى البقيع في منتصف الليل فاستغفر لهم ودعا لهم، ثم قال: وإنا بكم لاحقون. وفي نهاية شهر الصفر يوم الاثنين شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، فلما رجع وهو في الطريق أخذه صداع في رأسه. وفي رجوعه إلى بيت عائشة رضي الله عنها سمعها تقول: ورأساه. فقال: بل أنا يا عائشة ورأساه. وهكذا بدأ المرض، فصبر واحتسب عليه الصلاة والسلام. وفي خطبة مقبلة نتمم قصة موت النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله سبحانه وتعالى nous informe dans son livre qu'il nous a certes fait une grande grâce, c'est-à-dire sur l'ensemble des croyants, lorsqu'il envoya parmi nous un messager que nous connaissons, afin qu'il nous lise ses versets, qu'il nous purifie et nous enseigne le livre ainsi que la sagesse, alors qu'auparavant nous étions dans un égarement évident. Avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient égarés, excepté une minorité parmi ceux qui étaient restés sur la voie de Isa alayhi salam et sur le monothéisme d'Ibrahim alayhi salam. Les gens étaient dans une ignorance profonde, dans un égarement lointain. Ils adoraient autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le polythéisme et l'injustice régnaient dans la plupart des civilisations et des peuples. Allah subhanahu wa ta'ala envoya alors à Mecca son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il avait atteint ses 40 ans. Il l'envoya à son peuple et à l'ensemble des mondes afin de les faire sortir de l'adoration des créatures vers l'adoration de l'unique, le créateur subhanahu wa ta'ala. Il les a même fait sortir de la mort vers la vie, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran. Selon la traduction, n'as-tu pas vu celui qui était mort, à qui nous avons redonné la vie, et à qui nous avons assigné une lumière afin qu'il puisse marcher entre les gens? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également, la traduction du verset, ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à la vie. Donc de par l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'ensemble des mondes, ils ont redécouvert la vie. Car la personne qui vit dans le polythéisme, dans l'ignorance et l'injustice, elle est morte, même si tu la vois marcher sur la terre. Et son corps ne sert que de cercueil pour son cœur. Iyadhan billah. Cet homme est la meilleure des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, et celle qui lui est préférable. C'est Mohammed, le fils de Abdullah, qui est lui-même le fils de Abdul Muttalib. C'est le plus noble, il a la lignée la plus pure. Et c'était un arabe sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme c'est le plus noble dans sa lignée, c'est le plus noble des serviteurs d'Allah dans l'adoration et dans le comportement. C'est la meilleure des créatures, celui qui a le mieux connu Allah et l'a le mieux adoré. Il se levait la nuit au point où ses talons s'effritaient, tellement il restait debout à invoquer Allah Azza wa Jal et à le prier et à réciter le Coran. Et Aïcha de lui dire, radiallahu anha, tu fais tout cela au messager d'Allah, alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Et il lui répond, ne devrais-je donc pas être un serviteur reconnaissant, ô Aïcha? C'est ainsi qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu une vie remplie d'adoration et de bonnes actions. C'est la personne qui avait le meilleur des comportements. Allah Azza wa Jal a témoigné de cela dans le Coran en disant, donc la traduction est, tu as certes le meilleur des comportements. Et il nous a lui-même dit, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. C'est l'homme qui a eu le plus de bénédictions pour son peuple, pour ses proches et pour l'ensemble des gens. C'était le meilleur des amis. Il cherchait après eux. Il était la meilleure des compagnies. Il plaisantait avec eux, il leur enseignait et les conseillait sincèrement. C'était le meilleur des pères. Il éduquait ses enfants, leur accordait du temps et était présent pour eux. C'était le meilleur des époux, le meilleur des maris, sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait la course avec Aïcha à plusieurs reprises alors qu'il avait dépassé la quarantaine. Il plaisantait avec ses compagnons. Il plaisantait avec les enfants et avait beaucoup de miséricorde pour eux. Il avait beaucoup de pitié envers les jeunes et envers les enfants. Un jour, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en prière, il s'est prosterné. C'est alors qu'un enfant est monté sur son dos. Il a pris telle une monture. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté longuement prosterné. À la fin de la prière, les compagnons lui ont dit: ô messager d'Allah, tu es resté très longuement prosterné, au point où on a cru qu'il se passait quelque chose ou que tu recevais la révélation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: il n'est rien arrivé de cela, mais mon fils est monté sur mon dos, probablement son petit-fils Al-Hassan ou bien Al-Hussein, est monté sur mon dos et m'a pris telle une monture. Alors je n'ai pas voulu, alors j'ai détesté le presser, alors j'ai détesté le presser, jusqu'à ce qu'il finisse de s'amuser, sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout cela, chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un homme. Il ne sortait pas du caractère humain. Il tombait malade, il mangeait, il buvait, il épousait les femmes, il s'attristait parfois, et son sang a même coulé, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque son fils Ibrahim est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été triste. Il a pleuré. Les compagnons lui ont dit: même toi tu pleures au messager d'Allah lors de cette situation? Il a répondu: oui. Certes, les larmes coulent, le cœur s'attriste, mais on ne dit que ce qui plaît à notre Seigneur. Et certes, nous sommes tristes de nous séparer de toi, ô Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la bataille de Uhud, a été blessé au visage. Son sang a coulé et on lui a même cassé une dent, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela afin que vous sachiez que ça n'est qu'une créature qu'Allah a élevée par la révélation, qu'Allah a élevé par la prophétie. Il ne mérite donc pas d'être adoré avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais il doit être cru, obéi et suivi, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour finir cette introduction qui nous amène à notre sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mortel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une créature et il meurt comme meurent les créatures. Et il est mort comme décèdent les humains, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit dans son livre, selon la traduction: tu es certes mortel, et ou bien tu vas mourir, et ils mourront. Puis c'est vers nous, le jour de la résurrection, que se fera votre retour. Ou plutôt, c'est vers nous, le jour de la résurrection, que vous vous disputerez. C'est-à-dire lors du jugement. Il nous dit également: et nous n'avons pas accordé à un humain l'éternité. Et si toi tu meurs, penses-tu qu'ils resteront eux éternellement? Dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mortel comme les êtres humains. Et il nous dit à la suite de ce verset, donc toujours selon la traduction: toute âme goûtera à la mort. Toute âme goûtera à la mort. Et vous êtes éprouvés, que ce soit par le mal ou par le bien. Dans tout cela, il y a une épreuve, une tentation, un test. Et c'est vers nous que se fera votre retour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc mort comme meurent les êtres humains. Et remontons en l'an 7 après l'Hégire, où s'est passé le premier événement qui a un rapport avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'an 7, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ouvert la ville de Khaybar. Et habitaient à Khaybar les gens du livre. Une femme a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam de la viande. Mais avant cela, elle a questionné les gens: quelle est la partie de la bête que préfère le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que préfère Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les gens ont répondu: l'épaule. Alors elle a mis énormément de poison dans l'épaule de la bête. Elle a mis énormément de poison dans l'épaule de cette bête. Puis elle a offert ce plat qu'elle a préparé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc invité les compagnons à manger de ce repas. Il a pris une bouchée et a commencé à la mâcher. Puis il a dit aux compagnons: retenez vos mains, ne mangez plus. Cette nourriture est empoisonnée. Puis il a convoqué cette femme et lui a dit: qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Pourquoi est-ce que tu as tenté de m'empoisonner? Elle a répondu: j'ai fait cela pour que si tu es véritablement un prophète, Allah te préserve. Et si tu es un menteur, pour mettre à l'abri les gens de ton mal afin qu'ils puissent s'en reposer. Dans une autre version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Cessez de manger, car certes la viande m'a informé qu'elle était empoisonnée. » Et dans cela, il y a un grand miracle qu'Allah a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que l'ensemble reconnaisse la véracité de ses dires quant à sa prophétie. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé, il n'est pas tombé malade immédiatement, ni n'est décédé. Car la religion à ce moment-là n'avait pas été complétée et le bienfait d'Allah azza wa jal parachevé. En l'an 10 de l'Hégie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accompli le pèlerinage, son seul pèlerinage, le pèlerinage qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. Et c'est alors qu'il a commencé à montrer aux gens des signes qui allaient les aider à savoir que sa mort était proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé par des signes les compagnons du fait que sa mort était proche. Il leur a dit pendant le pèlerinage, prenez de moi vos rites, apprenez de moi comment faire le hajj, car il se peut qu'on ne se revoie pas, il se peut qu'on ne se revoie pas l'année prochaine. Puis il y a eu le jour de Arafah, et c'était un vendredi comme ce jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a été révélé le verset où Allah nous dit, selon la traduction, aujourd'hui, j'ai complété votre religion, parachevé sur vous vos bienfaits, et agréé pour vous comme religion l'islam. Puis il y a eu le jour du sacrifice. Puis il y a eu le jour du sacrifice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sacrifié de sa noble main 63 bêtes. Il est décédé à 63 ans. Les savants ont dit qu'il y avait un signe dans cela qu'il allait mourir dans cette année. Qu'il allait mourir dans cette année ou le début de l'année suivante, c'est-à-dire à 63 ans. Il a donné le reste des bêtes à Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé la sourate Al-Nasr, le secours. Lorsque le secours d'Allah viendra et que tu verras les gens entrer en masse dans la religion, proclame sa pureté et sa louange ou bien demande-lui pardon, il est certes un grand accueillant au repentir. Lorsque ce verset fut révélé, lorsque cette sourate a été révélée, et sachez que c'est la dernière sourate entière qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort, les musulmans se sont réjouis et ils ont été contents, excepté Abu Bakr. Abu Bakr s'est mis à pleurer. Alors les gens lui ont dit, pourquoi est-ce que tu pleures alors qu'il y a une bonne nouvelle dans cette sourate pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La victoire, le secours et le fait que les gens entreront en masse dans l'islam. Mais Abu Bakr avait compris que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi et fini sa mission, il ne lui reste pas beaucoup de temps avant de revenir vers celui qu'il avait envoyé, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi qu'a expliqué cette sourate Ibn Abbas plus tard, durant le califat de Omar Ibn al-Khattab radiallahu anhu. Au retour du pèlerinage, il est rentré à Médine. Et après un certain temps, il a envoyé Mu'adh au Yémen afin qu'il appelle les gens à l'islam. Mu'adh était sur sa monture et le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait à ses côtés. Et il lui a dit, ô Mu'adh, j'ai bien peur que tu ne me revois plus après ce jour-là. Ou c'est possible que tu passes dans ma ville ou ma mosquée, ou bien près de ma tombe. Dans cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé Mu'adh que sa fin était proche. Ô Mu'adh, il se peut qu'on ne se revoie plus, ou bien que tu passes près de ma mosquée ou de ma tombe. Alors Mu'adh a fondu en larmes, radiallahu anhu, à l'idée de se séparer de son bien-aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a tourné son visage vers Médine et a dit, les gens que j'aime le plus et qui sont le plus proches de moi, ce sont les gens pieux, quelle que soit leur identité et où qu'ils se trouvent. Puis en l'an 11, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait souvent au cimetière. Il est parti au cimetière de Uhud pour visiter les martyrs de Uhud, à invoquer Allah azza wa jal pour eux, comme la personne qui fait ses adieux. Et il leur a dit, je vous devance et je serai témoin le jour de la résurrection. Et c'est comme, et je vois devant moi mon bassin en ce moment même. Il est aussi parti à Al-Baqi', au cimetière à Médine, au milieu de la nuit, et il a fait dua pour les morts et a invoqué Allah Azza wa Jalla afin qu'il leur pardonne. Et leur a dit, je vais bientôt vous rejoindre. Et à la fin du mois de Safar, un lundi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assisté à une prière mortuaire. Et lors de son retour, il a commencé à avoir de grosses douleurs à la tête. À son retour, il a commencé à avoir des migraines. Et en entrant chez lui, il a entendu son épouse Aïcha, notre mère radiallahu anha, dit « Oh, comme j'ai mal à la tête. Oh, comme j'ai mal à la tête. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oh, Aïcha, c'est plutôt moi qui ai mal à la tête. » Et c'est ainsi que sa maladie a débuté lentement. Et il s'est montré patient et endurant. Et la suite de cette khutbah aura lieu, incha'Allah ta'ala, la semaine prochaine. As'alullah al-karim, bimannihi wa karamihi, ayyamunna alayna bil'ilm al-nafi' wa bil'amal al-salih. Allahumma ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastaghith, aslih sha'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata ayn. Allahumma aghfir lana dhunubana, wa kaffir anna sayyatina, wa tawaffana ma'al abrar. اللهم اغفر لي ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجمع كلمتنا على الحق اللهم اجمع كلمتنا على الحق اللهم اجمع كلمتنا على الحق ومن أراد بنا فتنة أو سوءا فعليك به وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة